بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Malik al-Nas. Roi des hommes. Ilahi al-Nas. Dieu des hommes. Min sharri al-waswasi al-khannas. Contre le mal du tentateur qui toujours se dérobe. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Qui susurre le mal dans les cœurs des hommes. Min al-jinnati wan-nas. Qu'il soit quant à lui djinn ou homme.